Deuxième livre de Samuel, chapitre 16. Quand David eut passé un peu au-delà du sommet de la montagne, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui, avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, et 100 paquets de raisins secs, et 100 autres paquets de fruits d'été, et un baril de vin. Et le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes sont pour la famille du roi, afin qu'ils montent dessus, et le pain, et les autres fruits d'été à manger, sont pour les jeunes gens, et il y a du vin pour boire, afin que ceux qui se trouveront fatigués au désert, en boivent. » Et le roi lui dit, « Mais où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voilà, il est demeuré à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël, me rendra le royaume de mon père. » Alors le roi dit à Tsiba, « Voilà, tout ce qui est à Méphibosheth, est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne devant toi, je trouve grâce devant toi, ô roi mon seigneur. » Et le roi David vint jusqu'à Bahurim, et voici il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Simi fils de Guéra, qui étant sorti avec impétuosité, faisait des imprécations. Et jetait des pierres contre David, et contre tous les serviteurs du roi David, et tout le peuple, et tous les hommes forts étaient à la droite et à la gauche du roi. Or Simi parlait ainsi en le maudissant, « Sors, sors, homme de sang, et méchant homme. L'Éternel a fait retomber sur toi, tout le sang de la maison de Saül, en la place duquel tu as régné, et l'Éternel a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom, et voilà, tu souffres le mal que tu as fait, parce que tu es un homme de sang. » Alors Abisaï, fils de Tseruja, dit au roi, « Comment ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur, que je passe, je te prie, et que je lui ôte la tête ?» Mais le roi répondit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Qu'il me maudisse, car l'Éternel lui a dit, « Maudit David, qui donc lui dira, pourquoi l'as-tu fait ?» David dit aussi à Abisaï, et à tous ses serviteurs, « Voici, mon propre fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie, et combien plus maintenant un fils de Jémini ? Laissez-le, et qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction, l'Éternel me rendra le bien au lieu des malédictions, que celui-ci me donne aujourd'hui. » David donc avec ses gens continuait son chemin, et Simi allait à côté de la montagne, vis-à-vis de lui, continuant à maudire, jetant des pierres contre lui, et de la poudre en l'air. Ainsi le roi David, et tout le peuple qui était avec lui, étant fatigués, vinrent, et se rafraîchirent là. Or Absalom et tout le peuple, savoir les hommes d'Israël, entrèrent dans Jérusalem, et Achitophel était avec lui. Or il arriva que quand Cusaï Archite, l'intime ami de David, fut venu vers Absalom, il dit à Absalom, « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Cusaï, « Est-ce donc là l'affection que tu as pour ton intime ami? Pourquoi n'es-tu point allé avec ton intime ami ?» Mais Cusaï répondit à Absalom, « Non, mais je serai à celui que l'Éternel a choisi, et que ce peuple, et tous les hommes d'Israël ont aussi choisi, et je demeurerai avec lui. Et de plus, qui servirai-je, ne sera-ce pas son fils? Je serai ton serviteur, comme j'ai été le serviteur de ton père. » Alors Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble pour voir ce que nous avons à faire. » Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison, afin que quand tout Israël saura, que tu te seras mis en mauvaise odeur auprès de ton père, les mains de tous ceux qui sont avec toi, soient fortifiées. » On dressa donc un pavillon à Absalom sur le toit de la maison, et Absalom vint vers les concubines de son père, à la vue de tout Israël. Or le conseil que donnait Achitophel en ce temps-là était autant estimé, que si quelqu'un eût demandé le conseil de Dieu. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils qu'Achitophel donnait, tant à David qu'à Absalom.